s'élève de la blessure des mots. Irréparable la serrure, la serrure des mots. Afin que chacun redevienne humain et reprennent les conversations, et reprennent les conversations. Pour y dire la honte des inégalités, des millions d'enfants mourir de faim, de mettre un homme chômeur et dans les poubelles de la société, de salir la beauté des femmes par des guerres juste pour de l'argent. Parce que là ici que s'élève et de la blessure des mots, irréparable la serrure, la serrure des mots. Reprennent les conversations, et reprennent les conversations. De neutres intelligents que comme des objets, parce que toute la misère, du monde, c'est juste à cause de nos mentalités, de nos styles de vie honteux. Je répète, toute la misère du monde, c'est juste à cause de nos mentalités, de nos styles de vie honteux, honteux, honteux. C'est à vous de changer. Parce que là la blessure de vos mots, irréparable la serrure, la serrure des mots. Enfin que chacune redevienne humaine et reprenne les conversations, les conversations, tout de suite avec tout le monde, et tout de suite avec tout le monde, plus d'exclusion, et reprennent les conversations.